Chapitre 21. La vipère de Luvercy. Cependant, Jean Mareuil, tandis qu'il tâtonnait froidement dans l'ombre redoutable du coffre-fort, rassurait Gilberte. « Approchez, lui disait-il, approchez sans crainte. La vraie vipère est morte maintenant. » Gilberte eut un regard instinctif vers le cadavre hideux sur lequel Aubry, sans s'émouvoir à propos du coffre, jetait pieusement un léger tapis. Mais les yeux de la jeune fille revinrent tout de suite à ce point de ténèbres d'où allait sortir, dans la main de son fiancé, le secret de la chambre close. Jean Mareuil fouillait. Une première fois, sa main ramena une fiole de verre jaune, minuscule, qu'il déposa sur le dessus du coffre. Le deuxième objet qu'il retira du mystère fut une petite poire électrique, fort simple, en bois laqué de blanc. Il atteint délicatement par le petit bout et dit à Gilberte « Que ceci vous apaise enfin. Voici une vipère que je ne pouvais vous apporter, ni vivante ni morte, comme je me l'étais juré. » « Quoi ? » fit-elle déconcertée. Gilberte, reprit Jean Mareuil, tout à l'heure, en apercevant la piqûre qui a causé la mort de Madame de Prince, vous vous êtes écriée « Comme maman !» Or, cette exclamation, vous l'aviez déjà poussée l'autre jour, à Luvercy, lorsque vous vous êtes piqué vous-même, au pouce, à la face interne du pouce. Donc, votre mère, elle aussi, avait été piquée à la face interne du pouce de cette main gauche dont elle se servait de préférence. Cette révélation, cette acquisition imprévue, fut pour moi comme une lampe éblouissante. Dès ce moment, je sus qu'aucune espèce de vipère ne s'était introduite dans la chambre de votre mère, mais que, le soir du 19 août, en quittant son chevet, après avoir assisté tout le jour la malade somnolente ou sommeillante, Madame de Prase avait laissé près d'elle, suspendue au fil électrique de la sonnette, non plus la poire inoffensive qui s'y trouvait encore le matin, mais une poire, oh, tout à fait semblable, extérieurement, mais qui n'établissait plus le contact et qui constituait une véritable vipère artificielle. Et cette certitude morale, j'en trouvais la confirmation la nuit qui suivit notre visite à Luvercy, en constatant, dans la chambre de Madame Laval, que la sonnette du lit était bien une poire, comme je l'avais pensé, et qu'elle avait été remontée hâtivement. C'est l'autre que voici. Approchez tous, et regardez, je démonte l'engin. Mais voyez d'abord ce petit trou au centre du bouton. C'est l'orifice d'un canal qui le perce de bout en bout. Dans ce canal se cache une aiguille creuse, très pointue, une aiguille de seringue à injection. Cette aiguille communique, comme vous le voyez, par sa partie inférieure, avec une petite poche de caoutchouc qu'on peut emplir de liquide, disons de venin, disons de poison. Quand on appuie sur le bouton, celui-ci s'enfonce, presse sur la poche, qui se vide avec force par l'aiguille, laquelle aiguille, étant fixe et non solidaire du bouton, ne s'est pas enfoncée avec lui et pénètre par conséquent dans le doigt de la victime, qui se fait à elle-même l'injection mortelle. Supposez que le poison soit foudroyant, elle meurt sans un cri en lâchant la fausse sonnette. Et le matin, il n'y a plus qu'à rétablir la sonnette authentique à la place de la fausse, qui est vraiment une machine infernale. Madame de Prase savait que Madame Laval sonnait sa femme de chambre toutes les nuits. Elle savait que le venin de la vipère n'avait pas encore été analysé et qu'il tuait sur le coup, comme certains poisons qu'on peut toujours se procurer à prix d'or. La vipère ayant disparu, les possibilités d'analyser son venin disparaissaient avec cet unique spécimen d'une race d'ophidiens perdue au fond de l'Afrique. Madame de Prase aimait son fils. Madame de Prase voulait épouser son beau-frère, Guy Laval. On entendit un sanglot étouffé. Lionel, prostré, le front dans ses mains pâles, pleurait. « Cette fiole contient un poison que nous enverrons demain au laboratoire municipal, » continua Jean Mareuil. « Mais nous pourrions tout de suite... »« Freddy, va donc ouvrir à ces messieurs, je te prie. » Lionel leva la tête avec effarement. Jean Mareuil le rassura. « Ce ne sont pas des policiers, dit-il, des témoins seulement par précaution. J'ai pensé que la justice ne devait prendre en cette affaire que la part minima. » Merci, dit Lionel. Et vous, Gilberte, pardon. Pardonnez à ma pauvre maman pour la vôtre. Pardonnez-lui pour vous aussi, Gilberte, réclama Jean Mareuil, car il faut tout dire. Cette insistance de Madame Praz à vous faire revenir à Luvercy, à vous faire passer une nuit à Luvercy, et même, par raffinement, à vous faire coucher dans la chambre de votre mère, si vous aviez cédé. Mon Dieu, murmura Lionel. Mais c'est affreux, Jean, c'est affreux! Le lendemain, on vous trouvait morte, piquée soi-disant par la vipère de Luvercy, dont le cadavre n'avait pas été découvert, la vipère à un seul crochet, qui aurait ainsi prouvé qu'elle vivait toujours. Et Madame de Praz héritait vos biens, et la reddition de ses comptes de tutelle cessait de l'embarrasser, et Jean Mareuil n'avait plus qu'à pleurer sa Gilberte. Ah, ce Jean Mareuil, comprenez-vous? Ah, ce Jean Mareuil, comprenez-vous qu'ils aient usé de tous les moyens pour vous détourner de Luvercy, pour aggraver encore la phobie que vous en aviez, lui qui ne pouvait rien dire avant d'être sûr de son fait? Comprenez-vous quelle fut ma terreur lorsque j'ai entendu votre cri dans le parc et que je vous ai vu tomber évanoui près de ce rosier où je vous voyais seul à côté de votre tante? Car c'était cela son plan, vous supprimer, dans le cas où elle n'aurait pu m'amener, moi Freddy, à cambrioler sous vos yeux. Et c'est pour cela qu'il fallait activer les choses, puisque Madame de Praz était elle-même talonnée par le temps. C'est pour cela que le tableau devait être volé sans retard. C'est pour cela... Mais voici ces messieurs. Gilberte, effondrée de douleur devant l'atroce vérité, s'abîmait dans les larmes. Lionel était comme frappé de la foudre. Aubry les regardait en dessous, amèrement envieux de leur détresse à cause de leur innocence. Trois nouveaux venus, un vieillard, un homme fait et un jeune garçon, se tenaient debout en silence. Derrière eux, Freddy. Et Jean Mareuil aperçut, dans la porte, une silhouette de femme dont les cheveux en casque étaient piqués de scintillements, Java. Freddy expliqua la voix grasse. Elle a voulu venir, elle m'avait suivi, c'est ces messieurs qui l'ont refaite à la grille. Elle a eu les foies, peur quoi, s'imaginer que c'était pour de vrai. Eh, dis donc, va m'attendre sur le trottoir. Maintenant que t'as vu que je travaille avec ces messieurs et dames, le reste c'est pas ton boulot. Le préfet de police, maître Feuillard et son clerc Fourcade, le chapeau à la main, la physionomie fermée, examinaient discrètement choses et gens. À la vue du préfet, une crainte balaya les traits de Lionel, fugitive comme le rayon d'une lampe inconnue. Mais Jean Mareuil, « Rien d'officiel, dit-il, trois amis, trois témoins, encore une fois. Vous connaissez notre notaire. Monsieur Fourcade, que voici, est l'un de ses collaborateurs et le mien. » Maintenant, tout s'est passé selon mes prévisions. La sonnette meurtrière se trouvait bien dans ce coffre, dont la clé était toujours sur la poitrine même de Madame de Praz, qui s'est fait justice. Il montrait, à terre, la forme sinistre, recouverte de son suaire improvisé. Et il reprit « Le sieur Aubry reconnaît les faits, n'est-ce pas, Aubry ?» Comprenant qu'il était sauf, le valet parla librement. « Oui, monsieur, j'avais reçu de Madame la Comtesse l'ordre de supprimer la vipère, de l'enlever de l'orangerie, de la tuer et de l'enfouir après avoir fait une ouverture dans sa caisse pour qu'on crût qu'elle s'était sauvée. Le lendemain, terrifié par la mort de Madame Laval, j'ai compris que j'avais été le complice d'un crime et j'ai voulu savoir. Madame la Comtesse a été forcée de m'avouer. C'est elle qui a confectionné l'appareil. » C'est elle qui a confectionné l'appareil en truquant une sonnette inutilisée qui se trouvait dans la réserve. Une aiguille de seringue à injection et la petite vessie d'un vaporisateur ont fait l'affaire. Madame la Comtesse avait changé la sonnette pendant le sommeil de Madame Laval. Elle restait constamment près d'elle. C'est tout, messieurs. Je n'ai rien dit à l'époque parce que j'aimais bien Madame la Comtesse et que c'était pour Monsieur le Comte. J'ignorais que Madame la Comtesse avait gardé cette maudite sonnette. On se taisait. Jean-Marie et Freddy, côte à côte, se ressemblaient. L'homme du monde et l'apache considéraient, de leurs yeux pareils et cependant si différents, cet étrange bonhomme simiesque, à la fois fidèle et pervers. Mais Jean Mareuil, s'arrachant à ses pensées, revint au coffre, y prit une liasse de quelques lettres et consulta de l'œil Lionel de Praz. Celui-ci lui dit « Vous pouvez les remettre à Gilberte. Elle ne témoigne que de l'infinie bonté dont sa mère m'a comblé. Elles ne contiennent que des leçons dont je n'ai pas profité. » Alors, dit Jean Mareuil, reprenez-les, car je suis sûr maintenant que vous en profiterez. J'en fais le serment, prononça Lionel, dont la bouche tremblait. Gilberte, sans rien dire, enleva la clé du coffre et la tendit à son fiancé, avec un faible sourire, tout empreint d'amour et de reconnaissance. Mais lui, non, Gilberte, non. Cette fois-ci, la clé que j'ai gagnée n'est pas de celle qu'une main peut soupeser. Elle existe pourtant, mais dans l'ordre des choses impondérables et invisibles. Elle existe, et je la tiens déjà, puisque je la tiens sur mon cœur. » Il enveloppa de ses bras forts la jeune fille émue. « C'est la clé du bonheur, » lui dit-il à l'oreille. Fin du roman de Maurice Renard, « Lui »